85% des Français ont aujourd'hui accès à Internet, et d'ailleurs 75% d'entre eux, soit 3 personnes sur 4, 75% pas d'entre eux, 75% en tout, y accèdent tous les jours. Et ce chiffre montre à 95% chez les 18-24 ans. Ces chiffres qui témoignent de la submersion complète de notre quotidien dans le numérique, on peut les enfiler comme des perles, ces chiffres. Et pourtant, malgré cette extrême pénétration du numérique dans nos vies, ce qui se passe sous le capot de nos machines nous est encore largement inconnu, à tel point que le secteur du numérique va être en déficit de main-d'œuvre dans les années à venir. Alors est-il temps d'apprendre le code à tous et dès l'école ? Passe ton code d'abord, c'est le problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions d'éducation au code, mais pas seulement au code, in fine, à la démocratie numérique, à l'informatique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie de Quatrebarbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du programme Classe Code, qui est un programme de formation à la pensée informatique à destination des professionnels de l'éducation. Bonjour Serge Habitboul. Bonjour. Vous êtes informaticien, chercheur à l'École Normale Supérieure à Paris et directeur de recherche INRIA. Et nous serons rejoints un peu plus tôt qu'à l'accoutumée par notre doctorante du mercredi, Marine Roche, aujourd'hui, qui travaille sur la réaction des professeurs des écoles à l'enseignement de la programmation informatique. On la retrouvera normalement aux alentours de 16h30. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes analogiques ou numériques de France Culture, mais aussi en complément via notre fil Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, pour commencer, peut-être un mot général sur les enjeux que représente aujourd'hui, selon vous, l'enseignement de l'informatique en général et du code en particulier pour les nouvelles générations d'élèves. Serge Habitboul. Bah, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on est de plus en plus baigné dans un monde numérique et évidemment il faut comprendre ce qui se passe, être capable de maîtriser et pas subir le monde qui nous entoure. Alors quand on regarde après d'un point de vue éducation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au XXe siècle, on avait une certaine façon d'éduquer les gens pour les préparer au monde qu'on avait au XXe siècle. On est au XXIe siècle où ça change beaucoup et il faut pouvoir éduquer toute la population à ce monde pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors ça se décline, vous avez utilisé le mot de citoyen, ça se décline pour former de bons citoyens, des gens qui pourront prendre des décisions éclairées sur la vie de la cité, mais ça se décline aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire des gens qui vont participer à la vie économique du pays, mais je ne parle pas là juste des gens qui vont être développeurs ou qui vont être informaticiens, je parle de toute la population, parce que maintenant, dans à peu près tous les domaines, l'innovation est tirée par le numérique. Une bagnole, aujourd'hui, c'est 50% de développement de logiciels et seulement le reste pour la partie classique. Et on pourrait décliner ça dans le luxe, dans le transport, dans à peu près tous les domaines économiques. Votre point de vue sur cette question, Sophie de Quatrebarbe ? Je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. C'est, vous avez utilisé l'exemple d'Internet et ça montre à quel point en fait on n'a pas encore la conscience complète dans notre société du fait que le numérique est partout. Il est dans notre machine à laver, il impacte tous les métiers, le métier de pompier, d'agriculteur, etc. Et donc effectivement, le truc c'est de pouvoir être formé, pouvoir comprendre quels sont les enjeux, pouvoir aussi avoir des usages éclairés parce qu'on a beaucoup formé aux usages, mais on voit bien que les usages ils évolue tous les jours et que si on veut une maîtrise pérenne en fait de ces usages, il faut en comprendre la logique, les fondements, etc. Et voilà. Peut-être un mot sur l'état actuel des choses par rapport à d'autres pays européens ou disons occidentaux avec tous les guillemets qu'ils font, mais ça va aussi pour des pays asiatiques, donc par rapport à d'autres pays en général, on va s'arrêter là. La France a plutôt marqué le coup. Malgré une politique assez volontariste dans les années 80, aujourd'hui on est un peu en retard dans l'éducation au numérique. Je parle évidemment de l'enfance, du collège, du lycée, c'est-à-dire dans les formations généralistes. Serge Habitboul. On avait démarré assez vite, assez bien, et puis il y a eu un coup de frein. À un moment où les ordinateurs sont devenus plus faciles à utiliser, on s'est dit bon, c'est plus la peine, il suffit d'enseigner les usages et puis ça suffit bien. Et du coup on a pris un certain nombre de retards. Alors la situation dans le monde est quand même très très diverse. Il y a des pays qui sont bien en avance sur nous, qui ont déjà depuis longtemps l'enseignement de l'informatique, et des pays du tiers-monde également, pas que des pays développés. La France a pris un petit peu de retard. La décision d'aller vers l'enseignement d'informatique a été un peu lente à être prise. Et on a encore des problèmes aujourd'hui. Et c'est vraiment très dommage. Il y a une réticence hein, aujourd'hui. On a du mal à vouloir faire rentrer l'informatique. Depuis 2016, c'est rentré un petit peu au lycée. Mais on a du mal à vouloir vraiment faire rentrer l'informatique dans l'enseignement généraliste, Sophie de Quatre-Vingts. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors bon, on peut regarder en arrière. Je pense que c'est pas, enfin, ça c'est riche d'enseignement, mais l'idée là, c'est surtout d'aller vers l'avant. C'est rentré. Maintenant, il faut aller plus loin et il faut surtout l'inscrire comme étant vraiment un fondement de l'enseignement de base et pas avoir à se poser la question à chaque changement de gouvernement de savoir si ça va sauter ou pas des programmes. Je pense que il y a eu un livre qui était sorti là, Frédéric Bardot, qui était Lire, écrire, compter, coder. Je pense qu'il faut vraiment entrer ça voilà, dans l'enseignement de base. Et on va voir que ça pose évidemment le problème de la formation des enseignants, on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui quelles sont les dispositions exactes en France, c'est-à-dire à quel moment, quelles sont les portes d'entrée de l'enseignement de l'informatique aujourd'hui dans la scolarité jusqu'au lycée? Ça commence très tôt, au primaire c'est inscrit un peu dans les programmes de façon un peu homéopathique. Avec surtout faites attention à ce que vous dites sur l'homéopathie autour de ce micro, ça nous a valu suffisamment de problèmes. Oui. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien. C'est comme dans les granules. Non, il y a des choses, mais il y a vraiment un problème de formation qu'on va retrouver d'ailleurs au collège et au lycée. Donc, au collège, c'est entrer dans le collège, mais par le biais de l'enseignement dans les matières mathématiques et technologiques, avec des programmes qui sont mal articulés, donc c'est pas très bien fait, avec des enseignants qui sont pas forcément bien formés, ou disons inégalement formés. Et alors, c'est rentrer de façon assez volontariste au lycée, en seconde, en première, terminale. Il y a des matières qui sont là, il y a des programmes qui sont relativement intéressants. Le problème sur lequel on se pose, le problème principal, c'est celui que vous avez mentionné, qu'on reprendra tout à l'heure, c'est le problème de la formation des enseignants. Alors il y a aussi des problèmes un peu pratiques, les équipements de salles, les connexions Internet des collèges et des lycées qui ne sont pas généraux. Général, mais le grain de sable qui est plus qu'un grain de sable, disons le pavé qui empêche d'avancer véritablement, c'est la formation des enseignants. Un mot là-dessus sur cette espèce de réticence, cette réticence à faire entrer l'informatique comme une sorte de discipline généraliste au même titre que les mathématiques, le français, apprendre à lire, écrire, compter, coder, comme vous mentionnez tout à l'heure le livre de Frédéric Bardot. On entend souvent dire oui, mais bon, enfin après tout, lire, écrire, compter, c'est important pour la vie de tous les jours. Coder, on n'a pas besoin de former non plus tout le monde à devenir informaticien. Oui, alors l'idée, c'est pas du tout de former tout le monde à devenir informaticien et coder. Bon, on utilise ce mot-là, mais en fait, la question, elle est plus de la pensée informatique. L'idée, c'est vraiment de comprendre les principes sous-jacents, et ça, on en a besoin tous les jours pour comprendre le monde dans lequel on vit. Tous les jours, des décisions sont prises via des algorithmes par des machines, enfin, où on nous dit que c'est des machines. En fait, ces algorithmes, ils ont quand même été mis dans les machines par des gens, et si on ne sait pas ça, eh ben, on reste dans une forme de pensée magique et on subit sans pouvoir agir. Donc on est vraiment sur l'informatique, pas sur le codage. Et sur l'histoire de former des codeurs ou des développeurs, je veux dire, on fait tous de la biologie ou de la physique, on ne devient pas tous médecins ou physiciens. Pour autant, on a un certain nombre de bases qui nous permettent d'avancer dans la société. Mais on voit bien que, compte tenu du développement de l'informatique, je vous parle d'une expérience personnelle, outre le fait qu'effectivement, je fais partie des premières expériences. On m'a appris le logo et le basique quand j'étais au collège, mais il fut un temps où, dans les développements de l'informatique dans les années 90, on pouvait encore un peu lever le capot derrière les programmes d'exploitation. On pouvait aller trafiquer un peu le DOS de son ordinateur quand on était curieux. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui sur les nouveaux ordinateurs, je vais pas citer la célèbre remarque à la Paul, on n'a plus du tout ou très peu accès en tant que citoyen à ce qui se passe derrière, à ce programme derrière. Il est de plus en plus caché par les développeurs. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de savoir ce qui se passe derrière? Est-ce que c'est pas déjà un peu politique, cette notion de vouloir introduire et de vouloir aller gratter pour trouver le code derrière les interfaces? Je vais reprendre un mot qu'a utilisé Sophie, qui est la pensée algorithmique. C'est ça qui est important, la pensée informatique. qu'on peut dire aussi. C'est ça qui est important, c'est d'arriver à comprendre comment un système complexe, parce que les systèmes qui sont autour de nous sont de plus en plus complexes, comment un système complexe fonctionne. Comment, je ne sais pas moi, l'aéroport de Paris fonctionne. Si vous essayez de dire ça en français, ça va être, il va vous falloir des pages et ça sera incompréhensible. Vous allez utiliser des diagrammes, vous allez utiliser un vocabulaire informatique, même avant de commencer à programmer. Et donc ça, c'est important de comprendre ça pour comprendre le monde qui nous entoure. L'autre raison, c'est évidemment que si vous n'êtes pas développeur, vous êtes dans une entreprise, et si vous comprenez la pensée informatique, si vous comprenez un peu ce que c'est que programmer, vous allez pouvoir dialoguer avec les gens qui développent les applications, qui développent les logiciels, vous allez leur expliquer ce qu'ils peuvent faire ou ce que vous voulez qu'ils fassent. Si vous ne comprenez pas cette pensée, vous allez passer à côté d'opportunités gigantesques. Sophie de Quatre-Barbes sur cette question. Oui, et puis on a beaucoup d'exemples criants en ce moment. Enfin, il y a eu les algorithmes APB, et puis maintenant Parcoursup, etc. Mmh. On voit bien que la question, elle n'est pas forcément tellement de savoir lire toutes les lignes de code, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Vous posez la question aux chauffeurs d'Uber tous les jours, ils se posent la question de savoir comment l'algorithme fait qu'ils ont tel ou tel point. Les traders, aujourd'hui, ils utilisent des algorithmes pour trader en bourse. Donc... Vous voyez bien, vous, ce que vous dites là, c'est, vous voyez bien la dimension extrêmement politique finalement, d'encourager les citoyens à pouvoir lire derrière ces interfaces, de pouvoir gratter derrière la fenêtre où on leur donne accès à leur programme, à leur algorithme, à leur décision d'orientation ou de notation sur une application. Tout est politique, mais on est en démocratie. Donc pour pouvoir exercer son pouvoir de citoyen, il faut comprendre. Ou sinon, on dit qu'on n'est plus en démocratie, qu'on s'en fiche, qu'on prend les décisions éclairées à notre place, que voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, pour conclure cette petite partie introductive, aussi une question de génération des décisionnaires? Est-ce qu'aujourd'hui, alors outre un certain président de la République qui est un peu plus jeune que la moyenne, la plupart des gens qui prennent ces décisions sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas du tout cette culture informatique au gouvernement, dans les ministères, dans les inspections d'académie, dans les gens qui s'occupent des programmes? Serge Habitboul. C'est très clair. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on avait énormément de difficultés à dialoguer avec nos interlocuteurs parce qu'ils ne comprenaient juste pas le problème. Donc là, c'est vrai qu'arrive au pouvoir une certaine nouvelle génération. Vous n'avez qu'à regarder, même à l'Assemblée nationale, les gens qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont capables de comprendre ces sujets-là, un peu techniquement, mais on ne parle pas de rentrer dans les détails, mais de comprendre les grandes idées, il y en a beaucoup plus que dans l'Assemblée précédente. Donc oui, il y a une réalité de nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Mais on retrouve ça aussi dans les entreprises. Hein. Dans les entreprises, à peu près le même phénomène. C'est-à-dire des entreprises qui ratent complètement le coche parce qu'elles sont dirigées par des gens qui n'ont pas du tout cette pensée informatique et qui ne comprennent pas les nouvelles opportunités du monde d'aujourd'hui. Il y a même presque une question, de terminologie. Vous dites-moi ce que vous en pensez, je parle sous votre contrôle. Hein. Aujourd'hui, on ne dit presque plus informaticien, vous l'avez dit, on dit codeur, développeur, programmateur. Informaticien, c'est la génération du début de l'informatique des années 80, non ? Non, pas du tout. Je pense que c'est différents métiers ou différentes approches. Enfin, dans l'informatique, c'est comme partout. Il y a ceux qui pensent, les scientifiques qui font de la recherche, etc. Et puis, il y a aussi besoin de gens qui exécutent ou qui font... Donc, il y a différents niveaux et différents outils qui sont à notre disposition. Ce que je veux dire, c'est que la terminologie s'est spécialisée dans différents métiers. Avant, on disait informaticien et ça regroupait tout ça. Aujourd'hui, on voit la différence entre les différents postes, les différents secteurs, les différents niveaux de programmation. Oui, puis après, il y a aussi des effets de mode, quoi. C'est-à-dire que code, c'est sympa. Enfin, voilà, c'est à la mode comme développement durable ou je sais pas quoi. Serge Habitboul, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un truc très franchouillard hein, de se reposer sans arrêt à la question de la terminologie. Aux États-Unis, ils appellent ça computer scientist, qui est un mot beaucoup, beaucoup plus moche, j'allais dire, qu'informaticien, parce qu'informatique, il y a le nom information, qui est quand même le cœur du métier. En France, on a un mot qui est assez. Qui, à mon avis. Qui décrit parfaitement toute une gamme de sciences et on passe notre temps à essayer de dire ben non mais on va retrouver quelque chose d'autre. Alors on parle de communication information, on parle de codage, on parle d'intelligence artificielle. Le domaine général c'est l'informatique, par-delà les modes. Alors peut-être une raison, parce que les modes ont toujours une raison, c'est que pour beaucoup de gens le mot informatique est associé avec le département informatique de la boîte qui les embête un peu, associé avec le rayon informatique de la FNAC qui est pas très excitant. Donc c'est ça, il y a des raisons. Mais il faut quand même, alors maintenant le mot à la mode c'est aussi science informatique ou science du numérique. C'est computer science, c'est l'informatique quoi. et point. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, dans la méthode scientifique, nous parlons de l'enseignement de l'informatique, de l'apprentissage du code et de tous ses dérivés, en tout cas le fait de faire surgir dès les premiers âges de l'enseignement, de l'école, une connaissance, une culture dans ce monde de l'informatique qui, comme on le sait, est un monde effectivement relativement complexe, relativement technique et qui peut effrayer encore une partie des enseignants, des décideurs au niveau de l'éducation nationale. Nous en parlons avec Sophie de Quatrebarbe et Serge Habitboul. D'ailleurs, de quoi parle-t-on finalement, Sophie de Quatrebarbe, quand on évoque l'idée de généraliser l'enseignement de l'informatique? On apprend quoi à qui? À quel âge? L'idée vraiment, c'est d'apprendre donc ce que je disais, les fondements de l'informatique, donc la pensée algorithmique. Donc ça, c'est la base. Nous, définissez pour nos auditeurs qui sont pas familiers avec ça, c'est quoi apprendre la pensée algorithmique? C'est apprendre déjà un peu les différents termes, langage, informatique, machine, un peu savoir sur quoi ça repose, savoir que tous les algorithmes du monde, ils sont construits en fait à partir de 4 ingrédients. Enfin, moi, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on envoyait des fusées sur la Lune juste avec 4 ingrédients qui sont la boucle, la variable, l'instruction et puis la condition. Ça démystifie beaucoup. Nous, ce qu'on fait au sein de ClassCode, c'est vraiment dire, on va programmer un peu, on va faire un peu, on va créer parce que c'est très ludique, c'est très créatif, c'est très intéressant. On va prendre du recul un peu sur ce qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'on a pu faire des choses et qu'en fait c'était ça l'algorithmie. ClassCode, je le préside juste un instant, c'est le programme de formation à la pensée informatique à destination des professionnels d'éducation duquel vous faites partie. Voilà, que cette pensée informatique-là, elle a une histoire qui remonte bien avant les ordinateurs. Hein. Je ne sais pas si vous savez qui a inventé les algorithmes. On en a parlé ici, ce sont les Babyloniens, les premiers algorithmes. Vous ne mourrez pas sur ce sujet-là. On a fait une heure, on va vous mettre le lien vers l'émission qui parlait de ça. Qu'il y a eu aussi beaucoup de femmes dans l'histoire de l'informatique. Absolument. Et ça, c'est le premier langage aussi, informatique, voilà, a été créé par une femme. Et puis aussi qu'on peut remettre tout ça en jeu au travers d'activités sans ordinateur, puisque derrière, c'est vraiment une question de logique, c'est une question d'apprendre à apprendre, c'est une question de posture, de travailler avec les autres, c'est une question de s'appuyer sur ses erreurs. Un ordinateur, ça bug, enfin, ou en tout cas, le programme qu'on fait, il bug, on fait des erreurs, c'est pas grave, on corrige, on va plus loin. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là, en tout cas, qui sont vraiment au cœur du programme ClassCode et qu'on enseigne ça dès la maternelle, dès l'école primaire. Ensuite, on va aller plus loin, on va raffiner, rentrer dans des programmations de plus en plus complexes, mais je crois que les fondements, ils restent toujours là. Serge Habitboul. Oui, je peux qu'aller dans cette direction. On a un peu trop tendance à résumer cet enseignement et cette nécessité à apprendre à programmer, apprendre le code, pour utiliser le mot à la mode. Apprendre le code, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que vous prenez un gosse normal, vous le mettez dans un summer camp, un camp de vacances, le lundi matin, le vendredi soir, il sait écrire des petits programmes, il sait faire des jeux. Il a compris les quatre instructions, enfin les quatre ingrédients qui forment la programmation. Donc c'est pas si compliqué que ça. Alors après, pour arriver à comprendre le monde qui nous entoure, il y a beaucoup d'autres choses à comprendre. Il y a besoin de comprendre des algorithmes plus complexes. Il y a besoin de comprendre la notion d'information. La notion d'information est fondamentale parce que c'est ça qu'on s'échange. Et puis c'est ça qu'on va analyser, donc l'analyse de données, des choses comme l'intelligence artificielle qui nous permettent de faire de simuler des comportements humains, la machine avec les réseaux. Donc voilà, il y a toute une gamme de notions à apprendre qui sont fondamentales, de la même façon que quand vous apprenez les mathématiques depuis l'école jusqu'au lycée, vous ne vous contentez pas d'apprendre l'addition, la multiplication, la soustraction, la division. Vous apprenez beaucoup d'autres choses. Donc c'est un peu pareil, l'enseignement de l'informatique, c'est toute une gamme de concepts à apprendre pour ne pas avoir à subir cette technologie, mais pouvoir la maîtriser, être des citoyens responsables, être des gens dans les entreprises qui sont capables de travailler. Il y a une crainte dont je me fais l'écho, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que cet apprentissage de ces langages, qu'on vit le code comme un autre langage, au même titre qu'une seconde, qu'une troisième langue, sont des langages quand même qui font un peu peur, qui ont l'air d'être complexes, et par ailleurs, quand on parle de code ou de programme informatique, on parle de différents types de langages. On parle, je ne sais pas, de C++, de Java, on peut parler d'HTML, de PHP, de Perl. Enfin, c'est à l'intérieur de l'informatique, on met beaucoup de choses qui, de l'extérieur, quand on ne comprend pas comment ces ordinateurs fonctionnent et comment ces programmes fonctionnent, peuvent être un peu inquiétants parce que ça a l'air d'être extrêmement complexe et d'introduire un très grand niveau de complexité très tôt dans l'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Sophie de Quatre-Vingts ? Que le code n'est pas un langage déjà, que c'est une manière de coder de l'information, que ensuite aujourd'hui on a quand même toute une gamme de possibilités pour apprendre la programmation sans s'appuyer sur des langages extrêmement complexes. Justement, l'idée là, c'est pas d'enseigner un langage aux enfants, langage qui peut-être demain sera totalement obsolète. Je peux vous le dire, le logo, vraiment, ça me sert plus à rien aujourd'hui. Voilà, mais par contre, les logiques que vous avez compris en faisant du logo, elles sont toujours valables aujourd'hui, elles seront toujours valables demain. Et c'est ça qui est vraiment fondamental. Se rendre compte aussi qu'on utilise tous les jours un langage et tous les jours on code de l'information et on le fait dans différentes disciplines au quotidien. Donc se rendre compte aussi qu'il y a des porosités entre ces approches-là et puis les autres savoirs, ça me semble vraiment important. Se rendre compte qu'on n'a pas tous le même mot pour dire fenêtre, voilà. On utilise différents langages. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas du C++ ou du Python ou de quoi que ce soit. Non. En plus, on a peut-être développé aujourd'hui, avec justement les nouveaux outils numériques, beaucoup d'interfaces qui sont, par exemple, avec des blocs comme Scratch, Blockly, etc. On a aussi toute la robotique. On va discuter ça sur des logiciels qui permettent d'apprendre, des logiciels pédagogiques qui permettent d'apprendre différentes façons la pensée du code plus que le code en tant que tel, en fait. Oui, la pensée informatique, pas du code. Oui, pas les codes, la pensée informatique. Enfin, oui. Vraiment la programmation et ce qu'il y a derrière. On peut aussi, et nous on est très friands de ça, s'appuyer sur des activités qui sont débranchées, c'est-à-dire sans ordinateur, et qui vont permettre vraiment de programmer. Moi je pourrais vous transformer en robot à l'instant, là, en identifiant un certain nombre d'instructions que vous allez pouvoir réaliser, et puis on va vous programmer pour que vous fassiez telle ou telle chose. Moi, je veux vous programmer si vous voulez. Je ne sais pas si dire aux auditeurs qu'on va programmer leurs enfants en les transformant en robots, mais ça, c'est une autre question. Peu importe. Non, je plaisante. C'est un jeu, évidemment, c'est un jeu pédagogique. On reparlera des outils pédagogiques. Plus généralement, la question, celle que je posais à l'instant à Sophie de Quatre-Barbe. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut vraiment dissocier dans l'enseignement de l'informatique l'idée d'apprendre des langages informatiques qui sont une chose et d'apprendre plus généralement l'informatique de façon inclusive, comme vient de le dire Sophie de Quatre-Barbes. Oui, tout à fait. Et puis aussi, je pense qu'il faut revenir un peu sur votre remarque sur le fait que c'était très complexe, c'était très compliqué. Pas du tout. Alors, évidemment, si vous demandiez à un gosse de programmer tout ce qu'il y a dans votre téléphone, dans votre smartphone, il n'y arriverait pas. Mais il y a des niveaux de difficulté qui s'adaptent et les expériences pédagogiques montrent que les enfants y arrivent très bien. C'est pas compliqué. Ce qui vous paraît être compliqué, c'est cette notion de pensée magique. C'est penser que vous comprenez pas, c'est trop compliqué, c'est en dehors de votre portée. Non, c'est pas du tout ça. D'abord, un des gros avantages de l'informatique, c'est qu'on peut décrire le même algorithme ou le même programme à différents niveaux de détail, et le niveau de détail doit s'adapter à la personne qui est en train de l'apprendre. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui en fait la complexité, c'est essentiellement cette pensée magique. Alors, depuis magie à magie noire, les gens sont un peu terrorisés, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand les gosses comprennent un petit peu comment ça fonctionne, ils sont plus du tout paniqués par ce truc-là. C'est pour ça que de repasser aussi, à un moment donné, en dehors de la machine, c'est intéressant de savoir que quand vous faites la cuisine, quand vous suivez une recette pour faire un gâteau, en fait, vous suivez un algorithme. Enfin, voilà. Ou que le fait aussi de se dire que vraiment, l'intelligence, elle est chez vous. Elle n'est pas dans la machine, quoi. Qu'une machine, c'est vraiment con. Et que ça fait ce que vous lui dites de faire et rien d'autre. Et en plus, elle est bête et très patiente. Donc vous pouvez lui dire 15 fois des trucs qui ne fonctionnent pas, elle ne va pas s'énerver. Vous pouvez continuer, vous pouvez recommencer. Et voilà, il ne faut juste pas avoir peur. On reviendra tout à l'heure sur cette notion justement d'apprentissage par l'erreur qui est très effective dans l'apprentissage de l'informatique et dont on reparlera tout à l'heure avec Marine Roche. Mais peut-être un mot à ce propos pour continuer, en tout cas pour boucler, pour clore cette question plutôt du code ou du langage informatique que je voulais qu'on épuise un peu parce que c'est souvent c'est ce qui fait peur ou ce qui inquiète parce que c'est un langage qui est très très cryptique pour les gens qui ne connaissent pas et qui n'y ont pas accès. Ce que je veux montrer montré, c'est qu'à quel point ce code qui est devenu vraiment important et à ce point une partie du patrimoine culturel et technique de nos civilisations, eh bien ce code a désormais évidemment ses archives. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis voilà, consulter des archives, c'est une autre façon de comprendre l'histoire de l'informatique, l'histoire de la transmission de l'informatique. Que trouve-t-on donc dans ces archives du code ? Ah ben écoutez, on trouve beaucoup de codes sources, de logiciels et un petit détail, mais la preuve que ces codes sources réunis dans l'archive qui s'appelle Software Heritage font pleinement partie du patrimoine de l'humanité, c'est que le lancement le 7 juin dernier de cette archive a eu lieu à l'UNESCO. J'ai donc rencontré Roberto Di Cosmo, qui est le directeur du projet Software Heritage, un projet qui a été élaboré au sein de l'INRIA. Donc si vous vous rendez sur le site softwareheritage.org, softwareheritage.org, vous aurez accès à 83 millions de projets logiciels et à plus de 4,5 milliards de fichiers sources. C'est donc une archive universelle sans fin, mais c'est aussi un lieu essentiel de préservation des codes sources élaborés depuis les débuts de l'informatique. Roberto Di Cosmo m'a fait faire la visite de cette archive numérique et on s'est arrêté sur le code source du logiciel qui a servi à l'allumage des moteurs du module lunaire de la fusée Apollo 11. Il m'a expliqué aussi comment ce projet a vu le jour et pourquoi c'est essentiel de sauvegarder ce pan gigantesque de l'histoire culturelle de l'humanité qui est, à peu de choses près, aussi fragile qu'un vieux grimoire ou qu'une fresque. Les points de départ des sortes de heritage est une observation qu'on a fait environ 4 ans, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on s'est soucié beaucoup de préserver notre connaissance, notre patrimoine de connaissances culturelles depuis longtemps. D'abord c'était juste les livres, après les œuvres d'art, après la musique, les films, après on s'est aperçu qu'avec l'arrivée de l'informatique, la digitalisation, la numérisation, on préserve aussi tous les formes numériques, tous ces objets-là. Mais il y avait un grand absent dans ces panoramas de préservation, c'était justement les seuls objets qui est au cœur de la révolution et la transformation numérique, les codes sources des logiciels. Donc là, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire pour essayer de les préserver sous les longs termes, et c'est ça qui a donné les coups d'envoi, disons, du projet Software Heritage. Alors, comment vous le développez, ce projet, et qu'est-ce que vous proposez aux futurs utilisateurs de cette archive de codes sources ? On veut vraiment collecter tous les logiciels qui n'ont jamais été écrits. Donc pour ça, il faut aller chercher automatiquement les logiciels qui sont encore disponibles aujourd'hui, qui sont activement sur Internet, que vous retrouvez à différents endroits dans lesquels les développeurs les construisent, les déposent. Mais aussi aller chercher des logiciels plus anciens, qui sont un peu plus cachés, qui demandent plus d'efforts. Et là, il faut les faire en collaboration avec d'autres personnes. Donc c'est la phase des récolte ou collecte de ces logiciels, qui est très important pour nous. Et après, il y a une deuxième phase qui est la préservation. Comment s'assurer qu'à long terme, ces patrimoines culturels n'est pas perdu. Et donc, il y a deux approches. Soit vous pouvez dire, mais on est les plus forts du monde, on est les meilleurs ingénieurs du monde, la meilleure infrastructure du monde, on fait tout chez nous, vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Mais disons, ça serait un tout petit peu présomptueux et pas tout à fait intelligent. Nous, on préfère dire qu'évidemment, comme dans toute aventure humaine, il y aura des erreurs, il y aura des oublis, il y aura des problèmes. Donc la meilleure façon, c'est mettre en place un projet qui est structuré de telle sorte qu'il pourra survivre même aux erreurs. Et donc la stratégie, c'est de créer vraiment un réseau international des miroirs dans lesquels toutes les données que nous collectons est dupliquées, réparties à plusieurs endroits dans la planète, de façon que s'il y a un problème, que ça ne mette pas en danger la totalité de ces connaissances. Ça, c'est la phase préservation. Et après, la phase des partages, qui est très importante, parce que si on collecte et on préserve, et vous ne pouvez pas regarder, vous ne pouvez pas utiliser, mais à quoi bon faire tout ce travail ? Il y a des bouts de code magnifiques qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut partager. Et en réalité, on pourrait même se dire, ça commence à devenir un jeu. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans qui est important ? Trouvez-le, partagez-le. Maintenant, on a des références permanentes, systématiques, des identifiants persistants qui vont rester vraiment pour les long terme. On peut les trouver, les mettre sur un blog post, les retweeter, les mettre dans un article scientifique. Donc tout ça est enfin devenu possible. Qu'est-ce que c'est une ligne de code magnifique ? Je vais essayer de donner une analogie. Vous voyez, par exemple, on écrit tous des textes tout le temps, d'accord, en français, etc. Par contre, il y a quand même une grosse différence entre une lettre quelconque qu'on envoie à un copain ou à un fournisseur et une poésie ou une page d'un roman très travaillé. Vous voyez, une page vraiment, et l'auteur l'a travaillé, l'a retravaillé, l'a réfléchi, l'a modifié, jusqu'au moment où il est vraiment content. Donc ça contient énormément d'efforts et d'énergie. Ben, les logiciels, c'est très similaire. C'est les logiciels qui est vraiment bien écrit, a demandé un effort énorme, et à la fin, peut-être, ça s'est réduit à 20 lignes, 30 lignes, 40 lignes. Mais dont la beauté, souvent, c'est l'élégance, la capacité de résoudre des problèmes en quelques lignes, de façon intelligente, de façon compacte, concise, et en même temps, lisible. Alors, j'aimerais voir un petit peu avec vous comment on peut s'en servir et puis qu'on prenne un petit exemple de navigation justement dans cette bibliothèque d'Alexandrie du Code Source. Voilà, mais il y a des exemples qui sont vraiment magnifiques. Donc, par exemple, si on va sur archive.sorteheritage.org ou archive.sorteheritage.org, dans la barre de recherche, on peut mettre par exemple Apollo-11. Voilà, on arrive dedans, on rentre dedans, on clique dedans, et vous regardez, il y a plein de codes sources. Et parmi les codes sources, il y en a un qui est quand même magnifique. Ça s'appelle Burn Baby Burn. Alors, c'est quoi ça? Bah, c'était un tube des années 60 qui était connu par les gens qui développaient tout ça. Et évidemment, c'est très approprié pour les logiciels qui devaient s'occuper de l'allumage des moteurs. Hein, donc, c'est la Master Ignition Routine. Donc, on rentre dedans. Et là, vous voyez aussi, donc, ils avaient plein de commentaires, parce que ces logiciels-là étaient écrits avec de l'assembleur, hein, qui est très proche de la machine, donc c'était quand même un peu compliqué à suivre. Et là, il y a des choses qu'on trouve, que vous voyez par exemple ici, on explique que cette routine-là est utilisée pour allumer tel programme. Il y a les programmes d'ULEM, là, les Lunar Modules. Et alors, la section dans laquelle il y a les paramètres, introduite par des commentaires, ils sont incroyables, on n'attend pas dans les codes sources, on dit justement « on y soit qui mal y pense », c'est-à-dire vraiment comme ça en français, et plus bas, en latin, c'était « non li s'étangere », n'y touchez pas à cette partie-là, parce que c'est incroyable, critique. C'est vraiment un lien entre la culture vraiment la plus ancrée, la plus traditionnelle, et là, c'est une incursion dans le code source, dans l'origine du code source, finalement, c'est absolument incroyable. Absolument, parce que vous voyez, ce n'est pas une histoire juste technique, c'est une aventure humaine, hein, tout ce développement de cette technologie. On est tellement habitué juste à appuyer sur un bouton et ça marche qu'on oublie que derrière, il y a des armées de personnes qui ont passé avec passion leur temps pour faire en sorte que l'objet finalement fonctionne. Alors, ce n'est pas le cas du tout, hein. Il y a des logiciels qui sont très mal faits, mais il y a des logiciels qui sont exceptionnels et c'est ça que ça vaut vraiment la peine de préserver et de rendre disponible pour des futurs. Alors, cette bibliothèque mondiale, cette archive mondiale, elle vient d'ouvrir. Quelle est la suite pour Software Heritage? Qu'est-ce qui va advenir ensuite? L'effet d'ouvrir les portes de l'archive était un moment historique qu'on attendait depuis très longtemps. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il y a une grande mission d'aller rechercher les logiciels majeurs qui sont au cœur de la transformation numérique qui a changé notre monde. La plupart de ces logiciels existent encore. Les codes sources existent encore. On ne sait pas exactement où, mais les personnes qui les ont écrits, les ont conçus, la plupart sont encore vivantes. Un autre exemple, voilà, chercher dans 83 millions des origines des codes sources. Ça, c'est quand même beaucoup. Donc, il faut qu'on utilise des techniques modernes, par exemple l'intelligence artificielle, le machine learning, pour classifier tous ces contenus et les rendre plus facilement recherchables, accessibles pour tout le monde, y compris pour les grands publics. Et voilà le reportage du jour sur Software Heritage, les archives du code source. Une réaction, je voulais écouter ce reportage avec un petit sourire, Serge Habitboul. Je bois du petit lait, hein. C'est vraiment très, très, ce que fait Roberto et ce que fait Software Heritage est vraiment fantastique. Et je pense surtout, ça correspond à enfin la prise de conscience que dans tous ces développements de logiciels qu'on fait depuis les débuts, il y a une richesse considérable, ça fait partie de l'héritage de notre société. C'est quelque chose qu'on apporte aux générations futures et c'est quelque chose qui est très heureux qu'on ne perde pas, qui est important de ne pas perdre. Sophie de Quatre-Armes ? Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est une manière de décrire et de voir le monde aussi. C'est ça qui... Il reste une trace de la manière qu'on a eue aussi à un moment donné de décrire, de voir et de créer le monde dans lequel on est. On vous a mis sur le fil Twitter de l'émission un lien vers le compte, vers le site de Software Heritage. Vous pouvez aller vous plonger donc dans ces archives, cet historique mondial du code source. On va continuer à discuter de l'importance de l'enseignement de l'informatique dans quelques instants et concrètement de la formation des enseignants et puis de savoir à quel niveau, comment et quels sont les outils pédagogiques dont on dispose aujourd'hui pour intervenir auprès des élèves. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Like Watson and Crick, you seem to look into my soul, and though my DNA. It's too small for your scope. You make it. De Tung sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons de code, mais pas que de code, nous parlons plus généralement de l'enseignement de l'informatique, de la pensée algorithmique à l'école, au collège, au lycée. Essentiellement, nous en parlons en compagnie de Sophie de Quatrebarbe, qui est coordinatrice du programme Classe Code, qui est un programme de formation à la pensée informatique et à destination des professionnels de l'éducation. Nous en parlons également avec Serge Abitboul, qui est informaticien chercheur à l'École Normale Supérieure de Paris et directeur de recherche IDRIA. Et petite entorse à l'émission, vous qui êtes fidèle à la méthode scientifique, vous savez que normalement c'est à la fin de l'émission du mercredi que nous avons la recherche montre en main qui fait intervenir un jeune ou une jeune doctorante qui nous raconte, qui nous explique ses travaux de recherche. Et bien aujourd'hui on va commencer à 16h36 par la recherche montre en main avec Marine Roche. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la réaction des professeurs des écoles à l'enseignement de la programmation informatique. On va pouvoir avoir le temps de développer autour de cette question des liens entre l'enseignement et l'enseignant. Donc je vous laisse nous présenter vos travaux de recherche. Merci. Donc effectivement, comme vous venez de le présenter, je réalise une thèse au CREN, donc le Centre de Recherche en Éducation de Nantes, et je m'intéresse à l'introduction de la programmation informatique à l'école primaire. Alors pour resituer ma recherche, en fait depuis septembre 2016, les professeurs des écoles doivent initier leurs élèves à la programmation informatique. Donc cette introduction pose un certain nombre de questions, et moi je me suis demandé si les enseignants étaient d'accord avec cette introduction et s'ils étaient prêts à mettre en œuvre cet enseignement. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai interrogé par questionnaire des professeurs des écoles dans 4 académies françaises. Et je les ai interrogés à la fin de la première année scolaire où le code était présent dans les programmes, donc entre mai et juin 2017. Alors, les résultats de l'enquête montrent que les enseignants trouvent cet enseignement utile. Ils sont plutôt d'accord et favorables avec, avec cet enseignement. Donc, s'ils sont favorables, on pourrait penser que la majorité voudrait faire de la programmation avec leurs élèves. Et en fait, la recherche montre que 45% des enseignants de CP à CM2 ne veulent pas mettre en œuvre cet enseignement au moment de l'enquête. Alors, ce chiffre interroge, donc on peut se demander pour quelles raisons ne veulent-ils pas mettre en œuvre cet enseignement. Et c'est l'objectif de ma thèse, c'est ce que je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre les raisons et les conditions pour lesquelles il n'y a pas eu de programmation à l'école primaire. Alors il n'y a pas eu de programmation puisque les enseignants trouvent que cet enseignement est difficile à mettre en œuvre. Et ils trouvent que c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'ils n'ont pas reçu de formation, ils n'ont également pas d'expérience en programmation. Au niveau de l'établissement, ils déclarent qu'ils n'ont pas de matériel pour pouvoir mettre en œuvre cet enseignement, ou ils n'ont pas non plus de collègues sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire la programmation. Alors ces résultats montrent que la situation est compliquée pour les professeurs des écoles, ce qui peut expliquer que près de la moitié, en tout cas au moment de l'enquête, ne souhaitent pas initier leurs élèves à la programmation. Ce qui est intéressant aussi dans l'enquête, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'effet du profil de l'enseignant. Donc en fait, le genre ou l'ancienneté n'ont pas d'influence sur le fait d'enseigner ou non la programmation. Alors j'ai poursuivi mes analyses et je voulais voir s'il existait des profils d'enseignants par rapport au code. Donc j'ai réalisé ce qu'on appelle une classification et donc je voulais voir quel type de profil allait ressortir. Et donc 4 profils ressortent. Alors les 2 premiers étaient attendus et les 2 autres sont un peu plus intéressants. Donc on a les enthousiastes, donc eux qui sont ravis en fait de pouvoir initier leurs élèves à la programmation. À l'opposé, on a les hostiles qui eux sont plutôt contre cette introduction. Ensuite, nous avons les attentistes. Alors eux, ils sont plutôt sceptiques par rapport à cette introduction. En fait, c'est comme s'ils attendaient d'être convaincus pour pouvoir se lancer dans l'enseignement. Ensuite, on a les démunis qui eux sont plutôt intéressés. Ils aimeraient bien faire de la programmation avec leurs élèves, mais ils n'ont pas les moyens ou pas les compétences, en tout cas pour le faire. Donc ces quatre profils montrent la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les enseignants et également la diversité des rapports par rapport à l'enseignement du code. Donc, en fait, les enthousiastes sont ceux qui ont le plus mis en œuvre l'enseignement. Les trois autres profils l'ont fait un peu moins, voire pas du tout, mais pour des raisons différentes. Ce qui veut dire que les enseignants ont des attentes ou des besoins différents pour pouvoir mettre en œuvre cet enseignement. Et en fait, ce que la recherche montre, c'est que les enseignants ont toujours une part d'interprétation des programmes. Et cette part d'interprétation dépend des moyens, des conditions de travail, mais également de leur objectif pédagogique. Et en fonction de ça, dans ce sens, je pense que la formation peut être un véritable atout. C'était impossible d'ouvrir mieux le débat que vous venez de le faire. Une réaction à ces travaux de recherche, déjà peut-être pour commencer, avant d'interroger la formation, Serge Habitboul. Je pense que Sophie serait bien plus compétente que moi pour parler de la formation en primaire. Moi, je me réserve pour quand on passera au secondaire. Alors, Sophie de Quatre-Barbes. Oui, donc du coup, comme l'a dit Marine, c'est vrai que l'informatique a été introduite dans les programmes en 2016. Le programme ClassCode, dont je voulais dire quelques mots, donc il est financé dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Il a été écrit et il a démarré un peu moins d'un an avant. À l'époque, du coup, la pensée informatique n'était pas encore entrée au bulletin officiel. Et donc, du coup, on ne pouvait pas officiellement former les enseignants. C'est rentré dans les bulletins officiels au mois de novembre pour une application en septembre. Donc, on voit bien aussi la difficulté qu'il peut y avoir à former ces 340 000 enseignants professeurs des écoles en France en quelques mois. Derrière ce programme ClassCode, c'est l'INRIA qui est le chef de projet. Il y a aussi toute une cohorte de professionnels de l'informatique, la CIF, CIGREF, etc. Des gens issus de l'éducation nationale, mais plutôt canopés, ce type d'acteurs. Et puis tout ce qui est éducation populaire, qui étaient déjà, eux, actifs, puisqu'on a fait rentrer le code à l'école par les temps périscolaires, extrascolaires. Et il y a aussi des nouveaux acteurs, comme Magic Maker, qui a donc coécrit les formations avec INRIA, qui faisait des formations, qui avait initié quelques années avant des formations à destination des enfants, qui se rendait compte que ça fonctionnait formidablement bien et qui cherchait un moyen en fait de pouvoir adresser ces formations à l'ensemble des enfants français et pas seulement aux plus privilégiés. Donc on voit effectivement la complexité, c'est que on a attendu peut-être très longtemps, on attend 10 ans avant de le faire, et puis après il faut le faire en 3 mois. Donc ça se fait pas en 3 mois, former 340 000 enseignants, c'est pas possible quoi. Voilà. Quelles sont, vous, avec ClassCode, les réticences que vous rencontrez? Là on parle des professeurs des écoles, donc une formation généraliste, qui effectivement, comme on a entendu hein, dans les travaux de Marine Roche, se sent pour beaucoup, quelle que soit leur intention initiale, assez désarmés, démunis pour appréhender ce secteur de l'enseignement, même à un niveau très simple pour les plus petits. Effectivement, en général, ils n'ont pas eu de formation à l'informatique dans leur formation initiale. Souvent, ils sont plus issus aussi de filières littéraires. Donc ça joue. Ensuite, ils ont très peu de temps de formation continue. Donc il y a 18 heures pour les professeurs du premier degré. Je crois qu'il n'y en a quasiment pas du tout pour les professeurs du second degré. Donc on attend d'eux qu'ils se forment sur leur temps en fait personnel. Donc du coup vont aller se former plutôt les enseignants qui sont motivés par des goûts personnels. D'autant plus que effectivement tu parlais des attentistes, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, puisque ça on voit bien qu'il y en a un certain nombre qui se disent oui, enfin bon, prochain gouvernement, on rechange les programmes. Si j'attends suffisamment longtemps, j'aurai pas besoin de le faire. Donc du coup il y en a un certain nombre qui sont dans cette attitude-là. Il faut voir aussi que l'éducation nationale, c'est une grosse machine, qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a des verrous à certains endroits. C'est-à-dire que si à un moment donné, l'inspecteur du coin, eh ben, il est plutôt favorable à ça, eh ben, lui aussi, il va pousser ses enseignants à se former. Si par contre, lui aussi, il est dans une position plutôt attentiste, eh ben, il peut totalement verrouiller le temps de formation des enseignants à ces pratiques-là, puisque je crois que les enseignants, il leur reste que 3 heures sur lesquelles ils ont à peu près le choix, à côté des maths, du français, de la géo, de tout le reste. Quoi. Se pose aussi peut-être la question, alors une double question qui est dans l'une, est une sorte de corollaire de l'autre, la question des équipements et aussi du coup la question de la réticence d'exposer des enfants assez jeunes à des écrans, alors qu'on ne cesse d'envoyer, mais vous faites les grands yeux, Sophie de 80, mais c'est vrai que le message collectif est de dire attention, on expose les enfants trop aux écrans, donc du coup apprendre l'informatique. La question donc à cette objection-là, c'est de dire est-ce qu'on peut enseigner l'informatique en faisant fi des écrans, en passant par d'autres types de méthodes pédagogiques ? Alors oui et non. Parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'est-ce qu'on fait quand on est face à l'écran? Est-ce qu'on est dans une attitude passive où on mange de la publicité pendant 24 heures ou est-ce qu'on est dans une attitude active de création, de réflexion, d'éducation? Donc c'est déjà, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est oui, on peut faire des choses sans les écrans. Et donc nous, on est très, je vous parlais des activités débranchées qui sont vraiment très utiles pour le primaire et qui permettent vraiment du coup à tout le monde de s'en servir, quelles que soient les contraintes matérielles. Il ne faut juste pas que ça serve de paravent pour qu'à un moment donné, on puisse se dire on peut faire l'informatique ad vitam aeternam sans ordinateur. L'informatique, il passe à un moment quand même par des ordinateurs. Marine Roche, sur la question des outils pédagogiques pour contourner les écrans, ou est-ce que les écrans sont de facto inévitables et qu'il faut assumer qu'ils le soient? Alors en fait, dans le cadre de ma thèse, je réalise également des entretiens, donc je rencontre des enseignants. Et c'est vrai qu'ils essayent d'utiliser différents outils pour faire de la programmation. Donc le matériel est quelque chose qui revient assez régulièrement, mais ceux en fait qui ont découvert l'informatique débranchée sont plutôt contents en fait et ils essayent de faire un peu des deux. Donc avec des ordinateurs ou des robots ou sans ordinateur et sans robots. J'ai lu qu'en pédagogie Montessori, il y avait un certain nombre d'outils ou de jeux pédagogiques qui peuvent s'utiliser pour apprendre les bases de la pensée informatique sans pour autant utiliser un écran et un clavier. Alors pédagogie Montessori, en fait l'informatique c'est aussi faire rentrer à un moment donné une autre posture par rapport à l'enseignement, une autre posture par rapport à l'acquisition du savoir. Donc effectivement faire de l'informatique comme on enseigne le latin avec un tableau noir et on répète tous la même chose, ça fonctionne pas. Après on peut aussi enseigner le latin différemment et là l'informatique il faut vraiment le faire dans une pédagogie active, créative, parce que c'est aussi de ça dont on a besoin comme compétence plus tard dans notre société. Donc utiliser les pédagogies Montessori, oui, tout à fait, Freinet, etc. Ils n'ont pas attendu les ordinateurs pour développer ce type de pédagogie-là. Aujourd'hui, elles reviennent au goût du jour et les deux sont importants. Il faut enseigner l'informatique et il faut enseigner cette nouvelle manière, qui n'est plus si nouvelle. Montessori, c'est quand même fin du 19e. Oui, mais je sais bien, mais enfin, c'est parce que c'était utilisé dans les écoles Montessori. Je pense, je retrouvais le robot Cubetto, par exemple, qui est destiné aux enfants avant 6 ans, qui sont des robots, des espèces de petits mécanismes en bois qui permettent d'expliquer la pensée algorithmique, finalement. Puisque vous parliez des Babyloniens tout à l'heure, ils ont établi les premiers algorithmes, mais ils n'avaient pas d'ordinateur. Oui, mais on peut même le faire avec des petits morceaux de papier, un crayon, avec des post-it, en se déplaçant dans l'espace. Je vous parlais tout à l'heure du jeu du robot, mais pour des petits enfants, effectivement, le fait de l'incorporer, c'est vraiment idéal. Serge Habitboul, vous n'êtes pas spécialiste de l'enseignement à l'école primaire, néanmoins, il est important, selon vous, de semer les graines de cette pensée informatique dès l'école primaire. Est-ce que c'est un enseignement qui serait peut-être plus facile, plus simple d'amener à partir du collège, à partir du moment où les outils informatiques sont plus répandus également aussi dans les établissements? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est bien que ça commence le plus tôt possible, parce que les enfants sont plus réceptifs et puis parce qu'on peut adapter un enseignement à leur âge. Donc il n'y a pas de raison particulière d'attendre jusqu'au collège. Je voudrais juste rebondir sur cette histoire d'écran. Alors les gens sont inquiets devant les écrans. Alors ils sont inquiets devant les écrans parce qu'il y a des gosses qui passent peut-être des heures sur des jeux vidéo, et encore que même cette inquiétude-là est très souvent exagérée par les parents. Mais le fait que des enfants passent un peu de temps à l'école devant un écran n'a absolument aucun problème, parce que là, ils sont dans une, ne posent pas de problème, parce que là, ils sont dans une attitude créative et pas du tout passive. On m'a déjà balancé aussi que dans la Silicon Valley, il y avait des dirigeants de grandes entreprises de high-tech qui écartaient leurs enfants des écrans pendant à l'école, qui demandaient à ce qu'ils soient un peu protégés. Oui, mais enfin, il ne faut pas tout mélanger. Il y a quelques centaines de personnes dans la high-tech, c'est des gosses qui ont probablement des ordinateurs, des iPads, des téléphones dans leur chambre, qui sont constamment dessus. Et ils n'ont peut-être pas besoin, qui savent déjà probablement programmer parce qu'on les a mis dans des camps et qu'on leur a déjà appris ça quand ils étaient tout petits. Donc qu'on les protège un peu d'une surexposition à l'école, je veux bien, mais ce n'est pas du tout le problème en France. Le problème en France, c'est qu'on a une très très large majorité de nos enfants, en particulier dans les milieux défavorisés, qui ne sont pas du tout exposés à cette pensée-là. Donc je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Là, en France, ce n'est pas les heures qui passeront devant un écran à l'école, au collège ou au lycée qui posent problème. Ce n'est pas du tout ça la question. Si, pardon, excuse-moi. Si on avance un peu dans le cursus scolaire, aujourd'hui, il semble que le consensus soit en tout cas un peu plus large sur le fait d'introduire effectivement des heures d'informatique de manière plus systématique dans l'enseignement au collège. Où en est-on aujourd'hui? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette proposition, c'est plus de 80, non? Si, si. Ah non. Non, d'accord. Ah, bah, je croyais que vous aviez l'air pas d'accord. Aujourd'hui, c'est-à-dire que comment introduire cet enseignement? On a aussi beaucoup reproché au fait que cet enseignement informatique finissent par être dévolus aux profs de mathématiques, aux profs de physique, aux profs de technologie qui n'avaient pas à proprement parler d'enseignement ou qui pouvaient en avoir par goût personnel, mais qui n'étaient pas toujours finalement les meilleurs pédagogues pour apprendre l'informatique puisque ce n'était pas leur spécialité, Serge Habitboul. Vous avez déjà donné la réponse à la question, c'est qu'on a voulu faire ça à moyen constant et donc on a fait entrer au collège et au lycée, ce qui est très bien. Enfin, on a enfin attaqué le problème. Maintenant, il faut le faire peut-être un peu avancer. Mais on a attaqué le problème. On a introduit cette matière dans l'enseignement. C'est parfait. C'est parfait, sauf sur la façon dont c'est enseigné. Donc, au collège, par exemple, c'est fait un bout sur le cours de maths, un bout sur le cours de techno, avec un prof de maths ou un prof de techno qui n'est pas forcément compétent. Donc, c'est très, très variable. Il y a des profs qui se sont auto-formés ou qui étaient par hasard déjà formés et qui font ça très bien. Il y en a d'autres que ça n'intéresse pas et qui continuent à faire ce qu'ils faisaient avant en faisant un vague programme, vague essai de suivre le programme. Donc, ça, c'est la situation. Au lycée, c'est un peu la même chose. Et là, on a un problème qui va être critique. C'est que maintenant que c'est introduit de façon massive dans les programmes en seconde, en première et terminale, on a besoin de milliers d'enseignants qui enseignent l'informatique. Et là, on parle vraiment d'enseigner l'informatique à des niveaux qui vont aller en croissant parce que les élèves vont être de plus en plus compétents. Et on a en face assez peu de profs formés. Et donc là, la question, c'est qu'il faut vraiment analyser le problème et trouver des vraies solutions qui vont au-delà de mettre quelques rustines, quoi. La solution, celui de 4 arbres, c'est un CAPES, c'est une formation universitaire diplômante d'enseignement de l'informatique, un CAPES, une agrègue. Oui, bah, faut reconnaître vraiment l'informatique comme une science et une discipline à part entière, ça, je pense. Mais bon, je pense que Serge est encore plus qualifié que moi pour le dire. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on a toute une génération d'enfants qui sont, ils sont tous débutants, en fait, qu'ils soient en primaire, au collège ou au lycée. Donc ça va, quoi. On y va. Et puis, effectivement, en quelques heures, on peut commencer à faire un atelier d'initiation, etc. Une fois qu'ils auront passé toute leur primaire à faire de l'informatique, puis le collège, puis bon, il va falloir aller plus loin. Et là, on parle pas de se former en quelques heures. Il faut vraiment former des enseignants qui soient réellement compétents. Bon, pour la formation ISN, je crois que c'était une centaine d'heures de formation et on était quand même sur juste des terminales qui pareil un peu démarraient c'était pour l'apprentissage en terminale initié en 2016 scientifique, hein. Terminale scientifique option informatique et sciences numériques, voilà. Et là ça s'est fait un peu suivant les académies. Il y a des académies où le problème a été vraiment pris au sérieux et on a dégagé du temps de formation pour les profs. Il y a des académies où on les a balancés devant les élèves, mm-hmm, absolument sans précaution. Et là, ce sera de moins en moins possible parce que les élèves, pour deux raisons. D'abord parce que les élèves montent en compétences et ensuite parce que d'une certaine façon, on a un peu raclé les fonds de tiroir des profs de, le plus souvent de mathématiques, faut reconnaître, quelquefois de techno, qui étaient volontaires pour faire ça. pour se former, pour apprendre, pour enseigner cette matière. Et là, d'une certaine façon, on arrive un peu au fond de tiroir. Et il faut maintenant prendre le problème vraiment sérieusement, c'est-à-dire un CAPES d'informatique pour former des profs et les embaucher déjà formés, des gens qui connaissent le métier. Et puis organiser, parce que ça suffira pas, on sait bien qu'on va pas pouvoir embaucher des milliers de profs d'informatique en claquant des doigts, en claquant des doigts. Il faut aussi former, mais véritablement former sérieusement les profs qui veulent bien enseigner cette discipline-là, c'est-à-dire avec des formations qui les amènent à un niveau convenable. Pour toutes les matières, on considère qu'un niveau convenable, c'est Bac plus 4, Bac plus 5. C'est la même chose ici aussi. Et ça va avec un autre problème que j'aimerais tout de même qu'on aborde, même s'il nous reste à peine quelques minutes, c'est le problème de l'équipement aussi. Il faut pouvoir équiper les collèges, les lycées, et équiper pour apprendre l'informatique. Est-ce qu'on peut apprendre l'informatique sur une tablette ou est-ce qu'on a besoin de machines qui sont un peu plus solides pour pouvoir soutenir des logiciels plus complexes de programmation? Sophie de Quatre-Vingts. Oui, mais l'équipement, c'est un vrai faux problème. On a régulièrement des plans d'équipement, on met des années, et puis après je pense que l'équipement, on y est venu plusieurs fois. Il y en aura à nouveau parce qu'il y a des intérêts aussi derrière, industriels, etc. La vraie question centrale, c'est la question de la formation des enseignants. Ça coûte cher, mais c'est nécessaire. Et on ne peut pas avoir une politique volontariste et dire qu'on veut le faire si on n'investit pas à un moment donné dans la formation des enseignants. Sinon, on continue de leur taper dessus en disant qu'ils sont nuls, mais en fait, on n'aura pas donné les moyens de faire ce qu'ils avaient à faire. Ça va, Biboule ? Oui, je suis d'accord. C'est vraiment le problème essentiel. C'est vrai aussi qu'il faut équiper des salles d'informatique, il faut connecter. Il y a encore plein de collèges qui ne sont pas connectés à Internet. Vous êtes au courant qu'il y a quand même des petits problèmes de rupture territoriale en général dans les équipements des collèges et des lycées. Il y a des ruptures territoriales, absolument. Et puis, dans les équipements, il y a aussi des inégalités assez flagrantes. Il y a une difficulté aussi dont il faut tenir compte, c'est que il ne s'agit pas juste d'acheter du matériel et de le mettre à disposition. Il faut ensuite entretenir ce matériel, installer le réseau. Et ça demande du personnel qualifié. Le plus souvent, très souvent, c'est des profs qui font ça sur leur temps. Et c'est pas forcément enrichissant pour eux. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une volonté politique derrière? On est dans un gouvernement avec un chef de l'État qui vante beaucoup les mérites de la French Tech, de la Startup Nation. Est-ce que vous avez l'impression que c'est accompagné aujourd'hui d'une volonté d'intégrer, de mettre les moyens pour une véritable information numérique des élèves? Oui, on a déjà vu ça avec le ministère de Najat Vallaud-Belkacem, où il y avait une véritable volonté politique de faire avancer les choses. Le ministère actuel va dans le même sens. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau politique de la nécessité de cet enseignement. Maintenant, il faut faire bouger, toutes les strates du ministère qui sont un petit peu plus difficiles. Et puis c'est un problème complexe. Il y a une masse d'enseignants, il faut les former. C'est pas simple, mais il y a un vrai travail. Sophie de Quatre-Vingts, pardon. Oui, et c'est vrai que dans ce sens-là, ça ne nous a pas trop aidés, puisque là, il y a quand même eu plusieurs mois d'attente totale où on ne savait pas du tout où on y allait, donc ça donnait beaucoup raison aux attentistes. Maintenant qu'on y est, il faut y aller, et il faut mettre effectivement les moyens derrière. Il y a un certain nombre de projets là qui ont été financés, donc comme ClassCode dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. La majorité s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment on pérennise ces actions? Comment on fait rentrer dans les formations initiales? Tout ça, ça nécessite des moyens et une volonté politique suivie. Donc, il faut y aller. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Il faut y aller, en espérant que les gens du ministère et les décideurs écoutent la méthode scientifique. En tout cas, si vous l'avez raté un bout, vous pouvez toujours réécouter l'émission sur le site de la méthode scientifique, sur franceculture.fr, ainsi que notre recherche montre en main du jour. Marine Roche, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sophie de Quatre-Barbes. Tous les liens vers ClassCode pour comprendre, pour suivre, éventuellement, si vous êtes intéressé également par ces programmes de formation, on les met sur le fil Twitter de la méthode scientifique ainsi que sur la page sur le site. Merci beaucoup Serge Abitboul. Et puis je vous rappelle que, comme tous les mercredis, c'est le jour de sortie des idées claires, ce petit module que j'ai l'honneur de produire en partenariat avec France Info également, et qui a pour vocation de casser ou de détruire des régimes de désinformation ou de fausses idées. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une question, celle de savoir si les véhicules électriques sont vraiment propres. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur la page des idées claires sur le site franceculture.fr ainsi que sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Nominia Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Sarah Ijmans, Lise Combe à la réalisation, Alex Dang à la technique. Dans un instant, la suite de vos aventures, c'est le troisième épisode de la très bonne série Marin du camarade Arnaud Contreras, réalisée par Guillaume Baldi, aujourd'hui consacré aux sauveteurs en mer. Tout à l'heure, c'est la version un peu kinky, coquine du grain à moudre. Il y en a une par an, il ne faut pas la rater, c'est à 18h20. Faut-il réhabiliter le missionnaire du samedi soir? Voilà, c'est la question qu'Hervé Gardet posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, un régime beaucoup plus sérieux, demain, nous parlerons politique de santé publique. Après l'annonce du déremboursement de médicaments vendus comme anti-Alzheimer, entre autres, et le maintien du remboursement de l'homéopathie, on en parlait tout à l'heure, pourquoi un médicament est-il ou non remboursé? Sur quelle base ces choix sont-ils faits? Et comment une molécule fait-elle son chemin jusqu'à votre pharmacie la plus proche? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.